Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a atharahum ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithu as-sabi' عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la religion, c'est le conseil sincère. La religion, c'est le conseil sincère. Envers qui, ô messager d'Allah? Envers qui? Il a répondu: Allah, son livre, son messager, les dirigeants parmi les musulmans ou les dirigeants des musulmans, ainsi que la masse des musulmans. Rapporté par l'imam Muslim. Il y a une version du hadith dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété trois fois cette parole. Il a répété trois fois cette parole en disant ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Donc il a répété cela trois fois, comme c'est dans le recueil d'Abu Awana rahimahullah ta'ala. Tout cela pour nous montrer l'importance du conseil sincère dans l'islam. Et si on médite sur la syntaxe de la phrase ad-din ou nasiha, on voit que ad-din, il y a alif lam, donc c'est déterminé, et al-nasiha également, donc les deux parties de la phrase sont déterminées. Cela nous amène une particularité. C'est comme si on avait dit en français, l'ensemble de la religion se traduit par an-nasiha. La religion tout entière, c'est an-nasiha. C'est le conseil sincère. An-nasiha, la base, c'est le bien, lorsque tu veux le bien. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ce que signifie an-nasiha et envers qui cela doit être donné. Il a cité cinq choses, en commençant par dire le conseil doit être donné à Allah. Que signifie an-nasiha lillah? Que signifie an-nasiha li kitabillah? Que signifie an-nasiha li rasulillah? Que signifie sallallahu alayhi wa sallam? Que signifie an-nasiha lil muslimin? Tayyib, ou li a'immatil muslimin wa li 'ammatihim. Et c'est ce qu'on va voir ce soir inshallah ta'ala. Amma an-nasiha lillahi subhanahu wa ta'ala fa hiya tawhiduhu fi 'ibadatihi ay ifraduhu bil 'ibadah بألا تسرف شيئا من العبادة لغيره تبارك وتعالى لأنه هو وحده تبارك وتعالى المستحق للعبادة. فقال في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم ألا لله الدين الخالص. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فيجب على كل أحد أن يفرد الله بالعبادة كما يجب علينا أن نوحده في أسمائه وصفاته فنثبت ما أثبت لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم وننفي ما نفع عن نفسه تبارك وتعالى ونفع عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ونفرده في أفعاله، فنوحده في ربوبيته، نوحده في ألوهيته، ونوحده في أسمائه وصفاته. Que signifie an-nasihatu lillah? Le fait d'être sincère envers Allah. C'est-à-dire l'unifier dans ce qui lui est propre. L'unifier dans ce qui lui est propre. Tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ses actes envers la création. Et cela se résume en trois points. Le fait de reconnaître que c'est le seul créateur. Le fait de reconnaître que c'est le seul propriétaire. Et le fait de reconnaître que c'est le seul gérant. C'est le seul à diriger et à décider de tout ce qui se passe dans les cieux, sur terre et entre les deux. Cela est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Tout ce qu'Allah fait, il le fait seul. Il n'a pas d'associé et n'a besoin de personne pour l'aider, subhanahu wa ta'ala. De cela découle le deuxième point, le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration, c'est-à-dire dans tes actes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois, après avoir reconnu qu'il était unique à t'avoir créé, c'est le seul propriétaire, le seul dirigeant, ben tu dois l'unifier dans le culte. S'il est le seul à pouvoir créer et le seul à posséder, le seul à pouvoir te donner la vie et te la reprendre, te faire entrer au paradis et te sauver de l'enfer, c'est donc le seul que tu dois adorer, subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc l'unifier de par tes actions, de par tes adorations. Et cela est le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée excepté en dehors d'Allah, ou bien si ce n'est Allah. Tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les noms les plus sublimes et les attributs les plus parfaits, les plus complets. Il n'a aucun manquement, aucun défaut, tabaraka wa ta'ala. Il est celui qui s'est élevé au-dessus de la création, au-dessus de son trône. Allah s'est élevé au-dessus des mondes, au-dessus des cieux. C'est Al-Ali Al-Kabir Al-Muta'al. Il nous dit dans son livre Ar-Rahman Al-Arsh Istawa, dans 6 versets du Coran. Thumma Istawa Al-Arsh Ar-Rahman, dans un autre verset. Donc Allah nous informe dans le Coran qu'il est élevé au-dessus de son trône, élevé au-dessus de la création. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné une femme en lui disant Aïn Allah, où est Allah, قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné une femme en lui disant où est Allah, elle a répondu au-dessus des cieux, dans l'élévation. Ensuite il lui a dit qui suis-je, elle lui a répondu tu es le messager d'Allah. Il a ensuite dit affranchissez-la car c'est une croyante. Donc tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala en sachant qu'Allah est au-dessus. Il n'est pas dans la création, il est au-dessus de la création. Tu dois connaître Allah en sachant que c'est le juste. C'est le vivant qui ne meurt jamais. Allah est parfait dans l'ensemble de ses noms et dans l'ensemble de ses attributs. Tu dois savoir qu'il ne ressemble pas à ses créatures. Laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah nous dit dans le Coran, il n'y a rien qui lui soit semblable. Et c'est lui, l'audient, le clairvoyant. Donc tu dois renier toute ressemblance entre Allah et ses serviteurs. Et cela ne doit pas te pousser à renier ce qui a été affirmé pour Allah comme nom et attribut. Tu dois avoir le juste milieu. Tu affirmes tout ce qu'Allah s'est affirmé dans le Coran. Tous les noms et tous les attributs, tu les affirmes. Tu affirmes tous les noms et tous les attributs qui ont été affirmés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu réfutes toute ressemblance. Et tu réfutes tout manquement. Comme cela, tu seras dans le juste milieu. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Donc tu reconnais l'ensemble des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu reconnais qu'ils sont parfaits. Aussi rentre dans cela le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de sa désobéissance. Et cette obéissance commence par l'adorer d'un culte sincère. Ensuite la prière. Ensuite la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, la bienfaisance envers les parents, le bon comportement envers la famille, les liens de parenté, les nobles caractères, le bon voisinage et l'ensemble de ce qu'Allah aime et agrée. Aussi tu dois t'éloigner de sa désobéissance en commençant par ce qui annule ce point, ash-shirku billahi al-azim, le polythéisme et l'association, le fait de donner un égal à Allah Azza wa Jal est le pire péché. Lorsqu'on questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyu dhanbi akbar, قال an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Quel est le pire péché au messager d'Allah? C'est le fait de donner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Et Allah dit dans le Coran à cet effet, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Certes le polythéisme est une énorme injustice. Et il nous dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَابِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils nous avaient donné des associés, on aurait annulé l'ensemble de leurs actions. Si tu donnes un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu ne viens pas avec un nasihatu lillah, Allah annule toutes tes actions depuis le premier jour. Tout ce que tu as fait, tu n'en tireras pas profit. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah nous dit dans le Coran, il t'a été révélé, c'est-à-dire toi messager d'Allah, ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi, si vous nous donnez des associés, on annulera l'ensemble de vos actions. Si tu nous donnes un associé, on annulera toutes tes actions et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les perdants. Et Allah nous annonce dans le Coran que toute personne associant à Allah subhanahu wa ta'ala n'entrera pas au paradis. Tant que le chameau ne rentrera pas dans le chat de l'aiguille. L'endroit où tu mets l'aiguille, où tu mets le fil. Tant qu'un chameau ne pourra pas entrer par cet endroit qui est minuscule, le kafir, le mushrik n'entrera pas au paradis. En d'autres termes, il n'entrera jamais au paradis. Fa innal jannah دار الموحدين المؤمنين المسلمين دار من أفرد الله رب العالمين. Le paradis, c'est la demeure de ceux qui sont monothéistes, de ceux qui sont croyants, musulmans et qui ont adoré Allah Azza wa Jal d'un culte sincère, qui l'ont unifié par le culte et tout ce qu'Allah, tout ce dans quoi Allah mérite qu'on l'unifie subhanahu. فكذا النار دار المشركين الكافرين الخاسرين. De la même façon, l'enfer est la destination, la demeure éternelle des polythéistes, des associateurs, des mécréants, ceux qui auront la perte totale le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Donc toi, tu dois adorer Allah d'un culte sincère, lui obéir, t'éloigner du polythéisme et de la désobéissance. Tu dois l'aimer par-dessus tout, car c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a tout donné, c'est celui qui t'a comblé en te guidant à cette religion, la religion qu'il agrée, inna ad-dina 'inda Allah al-islam, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Qul bi fadli Allah wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah t'a guidé à cette religion et c'est le plus grand bienfait. Et Allah nous ordonne dans le Coran de nous réjouir de ce bienfait, de sa miséricorde, de sa grâce, de l'islam et du Coran. Donc c'est un grand bienfait. Et chaque fois que tu médites sur un bienfait d'Allah, tu dois l'aimer encore plus. Et ton amour ne doit pas s'arrêter. Ton amour ne doit faire qu'augmenter. L'amour que tu as pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chaque adoration, tu dois être dans le juste milieu. Dans la crainte, l'espoir, et ainsi de suite. L'amour, lui, n'a pas de limite. Je dois aimer Allah Azza wa Jal au maximum. Comme l'a aimé Ibrahim alayhi salam, Imam al-Hunafa Abu al-Anbiya alayhi salatu wa salam. Ibrahim alayhi salam a aimé Allah plus que son père, plus que son pays, plus que son fils Ismaïl, plus que sa femme Sarah, plus que Hajar et l'ensemble des créatures. Au point où Allah Azza wa Jalla l'a élevé au niveau de l'amour le plus haut, Al-Khulla. Ibrahim Khalil ur-Rahman. Pourquoi cela? Car il a fait devancer l'amour d'Allah sur toute autre chose. Et c'est comme cela que tu dois être. Préférer Allah à tout ce qu'il y a sur ce bas monde. Si tu fais ce qu'on a cité, tu auras mis en pratique le premier point. An-nasihatu lillah. Le conseil envers Allah. Le fait d'être sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa li kitabi, le fait d'être sincère, le fait de donner le conseil envers quoi? Envers son livre. Wa kitabullah huwa al-Qur'anul Karim, al-Qur'anul Majid, kalamullah rabbil alamin. Qul nazala bihi ar-ruhul amin. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين و والله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب جعل الهدى والنور فيه ذكر أخبار الأمم السابقة فيه ذكر أسباب السعادة فيه الأمر والنهي فيه أسماؤه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى هذا الكتاب كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هذا الكتاب تكلم الله به حقيقة وسمعه جبريل حقيقة وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة بلسان عربي مبين وهي أفضل اللغات وأول ما أنزل عليه نبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة القرآن tu dois savoir que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu par le livre ici, c'est le Coran, le dernier livre qui a été révélé. Et le Coran fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'est pas une parole créée. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Tout ce qu'il y a dans le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la parole des créateurs. Et lorsque Kuffar Quraysh ont dit que Mohammed a déterré un livre, que Mohammed a menti, que Mohammed a fait de la sorcellerie et tout ce qu'ils ont pu proférer comme mauvaise parole sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a lancé un défi. Si c'est le livre d'un homme, ramenez un livre semblable. Ils n'ont pas pu. Alors on a allégé le défi. Si c'est le livre d'un homme, ramenez 10 sourates semblables. Ils n'ont pas réussi. On a alors descendu encore une fois le défi et allégé ce défi. Si c'est le livre d'un homme, ramenez une seule sourate semblable à ce livre. Une sourate courte, comme Inna a'tayna kal-kawthar ou bien wal 'asr. Ils n'ont pas réussi. Fa'tu bi kitabin min mithlihi in kuntum sadiqin. Ramenez un livre semblable si vous êtes véridique. Ils n'ont pas réussi. Subhanallah. Si c'est le livre d'un homme, et vous, qui êtes les Arabes de la première époque, les plus éloquents, et vous êtes les ennemis de l'islam et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ramenez une sourate semblable. Mais ils n'ont pas réussi. Tout cela nous prouve quoi? Que ça n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Seigneur des hommes. C'est la parole du Seigneur des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce livre-là est le livre le plus complet. Il a été révélé dans la langue la plus complète, la langue arabe. La langue la plus noble, la plus complète, la plus riche. Il a été révélé par l'intermédiaire du meilleur messager parmi les anges, Jibril alayhi salam. Et il a été révélé sur la créature la plus noble, la plus pure, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été révélé dans l'endroit le plus béni, le meilleur endroit, Mekkatul Mukarrama. Donc ce livre-là a été complet et parfait de tous les points de vue. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, seule divinité qui mérite l'adoration, qui a été révélée dans la langue la plus noble, sur le prophète le plus noble, par l'intermédiaire de l'ange le plus noble, dans le pays le plus noble. Dans le pays le plus noble. Donc c'est le livre le plus complet, le plus parfait. Dans ce livre, il y a la guidée pour celui qui la recherche. Il y a la lumière pour celui qui cherche à s'éclairer, qui cherche à voir la vérité. Ce livre-là, tu dois lui donner la plus grande place, la plus grande valeur. Tu dois le respecter, tu dois le lire, le méditer, le comprendre afin de l'appliquer. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Allah lui dit dans le Coran, ne vont-ils donc pas méditer le Coran, ou est-ce qu'ils ont des cadenas sur leur cœur? Le Coran, il ne doit pas être posé dans nos étagères, mis sur nos étagères afin de décorer la maison. Il ne doit pas être affiché dans des cadres, exposé sur nos murs. Le Coran n'a pas été révélé pour ça, ya ikhwa. Le Coran a été révélé afin de le lire, le méditer, le comprendre, chercher la guider, le mettre en pratique ses ordres, s'éloigner de ses interdits. Le Coran sert à ça. Amma de le mettre dans des tableaux et les accrocher sur nos murs, sans les mettre en pratique, cela ne nous sera pas profitable. Cela ne nous sera pas profitable yawm al-qiyama. Tu dois mettre en pratique chacun des ordres que tu trouveras dans le Coran. Tu dois t'éloigner de chaque interdit que tu trouveras dans le Coran. Tu dois chercher à comprendre ce qu'Allah veut de toi dans ce Coran. Tu dois méditer ce Coran. Tu dois méditer ce Coran. Tu dois t'éloigner de toute altération. Tu ne dois pas changer le sens de ce qui est voulu dans le Coran. Tu ne dois pas tromper les musulmans en cachant la science qui est dans le Coran. Lorsque tu vois un verset, tu ne dois pas l'interpréter comme bon te semble, non. Tu dois prendre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a expliqué. Ce que les compagnons ont compris. Et ce que les savants nous ont transmis. Tu ne dois pas renier ce qu'il y a dans le Coran, ne serait-ce qu'une lettre. Celui qui renie une seule sourate du Coran et qui dit que ça n'est pas la parole d'Allah et que ça n'est pas du Coran, une lettre sur laquelle il y a le consensus des savants, alors il sort de l'islam. Celui qui dit que par exemple Alif Lam Mim c'est pas du Coran et ça fait pas partie du Coran, kafar. Après qu'on lui démontre que cela fait partie du Coran, s'il le rejette et il dit qu'il n'accepte pas cela est de la mécréance. Celui qui renie une lettre du Coran sur laquelle il n'y a pas de divergence, cela est un acte de mécréance qui excommunie la personne de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois croire donc en ce livre, l'immensifier et lui donner la plus grande importance. Tu dois t'accrocher à ce livre et le faire devancer devant tes passions et devant la parole des gens aussi pieux. Soit cette personne, tu dois faire devancer la parole d'Allah Azza wa Jal sur toute autre parole. Ensuite, il y a aussi le fait de se soigner avec le Coran. Ça rentre dans ce point-là. El Coran, shifa'ul lil muslimin, shifa'ul lima fi soudou. Le Coran, c'est la meilleure guérison. Lorsque tu es éprouvé par une maladie psychologique, physique ou autre, reviens à ce Coran. Récite ce Coran et fais-toi ce qu'on appelle un ruqya tu shar'iyya. Tu te récites le Coran sur toi-même. Tu récites le Coran avec l'intention qu'Allah te guérisse par cela. En commençant par Al-Fatiha, qui a parmi ses noms un ruqya. Al-Fatiha, c'est une guérison. Al-Fatiha, c'est une guérison. Tu n'as pas besoin de pencher avec ton cœur vers les gens. Dirige-toi que vers Allah Azza wa Jal. Celui qui te voit lorsque tout le monde te tourne le dos. Celui qui sait ton besoin. Celui qui entend tes invocations. Et celui qui a unique, celui qui a, le seul qui a le pouvoir de te guérir. Wallahi, certaines personnes étaient atteintes de cancer. Saratan. Et les médecins leur ont dit, il vous reste que tant de jours à vivre, tant d'années à vivre, et ainsi de suite. Ça, c'est la parole des créatures. Mais que dit le Créateur? C'est ce qu'il dit qui sera. Ma sha Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Certaines personnes ont donc eu recours à al-Ruqya. En leur récitant le Coran, les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Dua, en buvant de l'eau de Zemzem, et ainsi de suite, certaines personnes ont été guéries. Et les médecins n'ont pas pu expliquer cela. Pourquoi ils n'ont pas pu expliquer cela? Parce que ça les dépasse. Ça, c'est la science de la créature, mais au-dessus. Au-dessus de chaque savant, il y a quelqu'un de plus savant. Et Allah est au-dessus de l'ensemble des gens. Allah est au-dessus avec sa science, au-dessus de par son essence, au-dessus de par sa domination. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, al-nasiha tu li rasoulihi. Que signifie al-nasiha envers le messager sallallahu alayhi wa sallam? Son messager ici, ce qui est voulu, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois le connaître, connaître son nom, connaître son message, ce à quoi il a appelé. Tu dois savoir où est-ce qu'il a vécu. Quel était le message principal qu'il a véhiculé? Tu dois le connaître. Car c'est le lien et l'intermédiaire entre toi et ton Créateur dans la transmission du message. Comment est-ce que tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce que tu vas savoir ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas? Si ce n'est par l'intermédiaire de cet homme, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc savoir que son prénom est Muhammad. Il a d'autres prénoms. Il est appelé dans l'Injil Ahmed. Parmi ses noms, Al-Mahi, Al-Hashir. Comme c'est venu dans plusieurs hadiths, il a plusieurs prénoms. Mais tu dois connaître au minimum ce prénom Muhammad. Et le sens de Muhammad est Alladhi yuhmad li kathrati khisalihi al-hamida. Muhammad a un sens. Et les Arabes, lorsqu'ils donnaient des noms à leurs enfants, ils espéraient que la signification que comporte ce nom se réalise et devienne effective sur leur enfant. Donc Muhammad veut dire celui qui recevra beaucoup d'éloges de par ses nombreuses qualités. De par ses nombreuses qualités. C'est quelqu'un qui fera beaucoup de bien, donc on fera beaucoup ses éloges. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été comme ça. A été comme ça. Et il aura yom al-qiyama al-maqam al-mahmoud. L'ensemble des créatures le loueront de par sa station. Il demandera à Allah azza wa jal, alors que les gens seront dans une grande difficulté, sous le soleil, il invoquera Allah azza wa jal, afin qu'Allah fasse débuter le jugement. C'est ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud. Tu dois croire en lui, en sa prophétie, tu dois croire à l'ensemble de ses paroles, passées, futures, concernant les choses du passé, concernant les choses du futur. Tu dois l'aimer, tu dois obéir à ses ordres, t'éloigner de sa désobéissance, t'accrocher à sa sunna fermement, te cramponner à sa sunna de manière ferme. Tu dois faire devant sa sunna sur toute autre chose et toute autre parole et toute autre personne. Tu dois le respecter. Tu dois revivifier sa sunna, apprendre ses paroles, afin de les comprendre pour les mettre en pratique. Tu dois transmettre sa sunna aux gens. Transmettre la vraie image de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens. Afin de réfuter les paroles mensongères qui sont proférées à son égard, sallallahu alayhi wa sallam. tu dois apprendre ses paroles, ses actions. Tu dois te comporter comme il se comportait et le prendre comme exemple dans ton comportement, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans ta vie familiale, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit avec tes voisins et même envers les animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris la noblesse de caractère. Tu dois l'aimer au-dessus de toutes les créatures. Tu dois le préférer à ta propre personne, tes enfants, tes parents, tes épouses. Tu dois aimer ses compagnons et les respecter, ne les citer qu'en bien. Et très important, tu ne dois pas contredire sa sunna avec des innovations. Bien au contraire, tu ne dois adorer qu'Allah, et cela qu'à la manière dont nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le point suivant, wali a'immatil muslimin. Tu dois prodiguer le conseil à qui? Aux dirigeants des musulmans. En commençant par les gouverneurs. Et certains savants ont dit, et c'est une bonne parole, que les savants entre eux, dans ce point-là, les dirigeants des musulmans comprennent. Donc, les gouverneurs et les savants de la sunna, tu dois aimer pour eux le bien, tu dois faire dua pour eux afin qu'Allah leur accorde la réussite. Tu dois les conseiller, tu dois invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. Tu dois les conseiller, tu dois vouloir pour eux le bien. Tu ne dois pas parler sur eux et faire en sorte que les gens les détestent. Car avec les gouverneurs et les savants, Allah Azza wa Jal met la stabilité dans le pays. Et lorsqu'il n'y a plus de gouverneurs ou de savants de la sunna, c'est l'anarchie dans le pays. Et le crime se propage. Et les richesses sont pillées. Et on ne respecte plus rien. Il y a alors l'insécurité. Et les femmes ne sont plus respectées. Tout cela car il n'y a plus de dirigeants et il n'y a plus de savants. Et Shaytan est motivé dans ce domaine afin de semer le trouble chez les musulmans. En leur faisant haïr leur gouverneur et en mettant une scission entre le commun des musulmans et leurs savants. Car avec le gouverneur, il y aura la stabilité sociale et politique dans le pays. Et avec les savants, il y aura la stabilité religieuse. Et avec les savants, tu obtiendras le bien dans ce bas monde. Le bien terrestre. Le bien religieux. Et Inch'Allah, dans l'au-delà, tu recevras tout le bien. Mais si tu t'éloignes des savants, de leur science et de leurs conseils, alors à ce moment-là, tu vas te diriger vers qui? Vers les petits étudiants. Vers les gens de la masse, les ignorants. Et à ce moment-là, tu ne recevras plus le bon conseil. Regardez celui qui a tué 99 personnes comme dans le hadith. Lorsqu'il a voulu se repentir, il a demandé qui est la personne la plus savante. On lui a indiqué une personne qui était très pieuse, mais qui était ignorante. Il lui a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux rentrer au paradis? J'ai tué 99 personnes, est-ce que je peux toujours me repentir? Il lui a dit non. Regardez la réponse de l'ignorant. Il a parlé sur Allah sans science. Il a été distrait de la vasteté et de l'étendue de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a oublié qu'Allah pardonnait tout pour celui qui se repent. Il a donc dit non. Cet homme-là l'a tué et a complété par cette personne le nombre de 100. Ensuite, il a reposé sa question, indiquez-moi la personne la plus savante. On lui a indiqué un savant. Il lui a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit, qui pourrait se mettre entre toi et ton repentir? Mais tu es sur une mauvaise terre. Tu es sur une terre où les gens sont mauvais, déplace-toi et va dans tel endroit. Les gens là-bas adorent Allah d'un culte sincère, adorent Allah avec eux. À mi-chemin, la mort lui est venue. Et l'ange de la mort est venu pour lui retirer son âme. Et lorsque l'ange de la mort vient, il y a avec lui soit les anges de la miséricorde, soit les anges du châtiment. Ils se sont disputés son âme. Ils se sont disputés son âme. Les anges du châtiment ont dit, il n'a jamais fait de bien. Et les anges de la miséricorde ont dit, il est venu pour, vers Allah pour se repentir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé un ange pour juger entre eux. En disant aux anges, mesurez la distance entre le corps et la terre d'où il est parti, et entre le corps et la terre où il voulait se rendre. La distance de laquelle il se trouvera le plus proche, alors les anges, s'il est plus proche de la terre où il voulait aller, les anges de la miséricorde le prendront. Et s'il est plus proche de la terre d'où il est parti, les anges du châtiment le prendront. Alors il a été plus proche de la terre où il voulait aller, d'un empan. Et dans une autre version du hadith, c'était égal. Alors Allah ordonna à la terre de se déplacer et à l'autre de se rapprocher, afin qu'il soit plus proche de la terre d'où il voulait aller. Et ce sont donc les anges de la miséricorde l'ange de la mort a retiré son âme à l'aide des anges de la miséricorde. Quelle fut la cause de tout ce bien, de cette miséricorde qui a touché ce serviteur? C'est le fait de revenir aux gens de science. C'est le fait de revenir aux gens de science. Celui qui revient aux gens de science, par leur cause, Allah Azza wa Jal illuminera votre chemin, ou bien son chemin. Tu dois respecter les savants. Tu dois faire dua pour eux afin qu'Allah leur accorde la réussite. Tu dois retenir ta langue et ne pas propager leurs erreurs. Tu dois leur donner le plus grand respect. Tu dois t'asseoir devant eux afin de puiser de leur science qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyée. Tu dois les aider à propager la vérité. Et lorsqu'ils ont des fautes, tu dois invoquer Allah Azza wa Jal pour eux. Et si tu peux les conseiller directement, si tu ne peux pas leur écrire, si tu ne peux pas passer par celui qui pourra leur transmettre ce conseil. Mais tu ne dois pas propager leurs fautes en public. Et les hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, avaient compris que la stabilité du pays reposait sur les gouverneurs et les savants. Alors ils parlaient sur les gouverneurs et sur les savants. Et ce sont la cause de l'assassinat de Uthman radiallahu anhu. Après avoir parlé au commun des musulmans, en mentant sur Uthman radiallahu anhu et en parlant sur les savants et sur les gouverneurs, ensuite le point suivant, wa'ammatihim, le conseil sincère envers les gens de la masse, ceux qui ne sont pas savants, ceux qui ne sont pas gouverneurs, donc la plupart donc des musulmans. Et ce point là est très important, il nous concerne tous, moi, toi, nos parents, nos enfants, nos épouses. On doit se recommander mutuellement ce conseil sincère. Premièrement, en orientant les ignorants. Le conseil sincère doit reposer sur la science. Ça n'est pas ce que toi tu vois comme étant bien qui est forcément bien. Mais ce que l'islam nous montre comme étant bien, c'est le bien. Et ce que l'islam nous montre comme étant mauvais, c'est mauvais, même si nous, on avait pu le percevoir bien. Tu dois donc orienter celui qui est perdu, enseigner à celui qui est ignorant, aider celui qui est dans le besoin, celui qui est dans le besoin financier avec de l'argent, celui qui est faible avec ta force, celui qui est seul de par ta présence, et ainsi de suite. Regardez dans ce pays où ils n'ont pas compris les préceptes de l'islam et ne les appliquent pas, on trouve des personnes âgées qui meurent chez eux. Subhanallah. Alors qu'ils ont des enfants, alors qu'ils ont des proches. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas un nasiha. Amma al-muslim, il est proche de ses parents, il est proche des personnes âgées, il visite le malade, il aide celui qui est dans le besoin, il enseigne à l'ignorant, Il aide le faible, défend l'opprimé. Et tout cela est dans notre religion. Il ne tient qu'à nous d'apprendre cette religion et de s'asseoir dans ses assises afin d'avoir ces nobles caractères, les comprendre, les mettre en pratique pour les propager aux musulmans et aux non-musulmans. Tu dois les aider dans leur vie religieuse, leur faire comprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, comment l'adorer et quel est le chemin qui mène à son agrément. Tu dois leur apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois les mettre en garde contre le polythéisme, contre la désobéissance à Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, contre l'innovation et contre tout ce qu'Allah déteste et n'agrée pas. Tu dois cacher leurs défauts et veiller à ce qu'ils ne se propagent pas dans la masse et dans la communauté. Lorsque tu vois un défaut sur ton frère, cache-le. Cache-le. Lorsque tu vois un défaut sur ton frère, va le voir en aparté, en privé. Prends-le par la main et dis-lui, en utilisant les meilleurs termes, les termes qui vont le toucher, les termes qui vont faire qu'il ouvrira son cœur à toi avant ses oreilles. Appelle-le par les noms qu'il aime le plus, par sa kunya. Ya Aba Abdillah, Ya Aba Abdirrahman, Ya Muhammad, Ya Abdallah. Wallah inni uhibbu lakal khayr. Et annonce-lui l'intention qui t'a fait venir, c'est que tu aimes pour lui le bien. Anta akhi fillah, tu es mon frère fillah. L'homme conseille son frère, la femme conseille sa sœur, les parents conseillent leurs enfants, l'homme conseille son voisin. Et si chaque partie de la communauté prend sa responsabilité dans ce point, vous verrez qu'on s'élèvera au-dessus du niveau que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et que la plupart des problèmes seront réglés dans la communauté. Et cela concerne ou commence par la famille à l'intérieur du noyau de la famille, à l'intérieur. Entre l'homme et son épouse, l'homme conseille son épouse, l'épouse conseille son mari, les parents conseillent les enfants conseillent les parents. Ensuite, on se conseille entre voisins, puis à la mosquée, puis dans la société, et ainsi de suite. Et si chacun prend son rôle, et si chacun a conscience de cette importance, de cet ordre religieux, à ce moment-là, on verra le bien accourir vers nous. Accourir vers nous, bi-idhnillah. Et Allah maudit des peuples qui ne se conseillaient pas. Allah maudit des peuples qui ne se conseillaient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous devons aimer pour les gens ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et nous dit qu'on doit se comporter avec les gens comme on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Et certains de ces hadiths viendront plus tard dans le livre, incha'Allahu. Donc ce point-là est très important. Tu ne dois pas dévoiler les défauts de tes frères. Tu ne dois pas propager les défauts de tes frères. Tu dois les conseiller en privé. Et dans certains cas, très restreints, qu'on peut compter et dénombrer, la législation nous apprend qu'on doit, et c'est une obligation, dévoiler le mal de certains musulmans. C'est dans le cas où ils sont une nuisance pour la communauté. C'est dans le cas où ils trompent les musulmans et essayent de répandre leur venin dans la communauté musulmane. À ce moment-là, si la personne n'a pas accepté le conseil, alors on le dévoile. Comme les gens de l'innovation et ceux qui prêchent et appellent les gens à l'innovation. À ce moment-là, on doit les dévoiler. Et si le besoin se fait ressentir, on cite même leur nom. Pour que les gens s'éloignent d'eux. Si toi, tu vois ton frère aller au marché, on va parler d'une chose de la dunya, et il va acheter des fruits, et toi, tu sais que ce vendeur, ses fruits ne sont pas bons. Tu vas lui dire ou pas? Tu vas lui dire alors que c'est des tomates et des patates. Si ton frère va acheter une voiture, hein, vu que Kader il est là, on va prendre cet exemple. S'il vient pour acheter une voiture, hein, c'est le frère qui me répare ma voiture, jazakallah khair. Si le frère vient acheter une voiture, et toi tu sais que dans cette voiture, il y a beaucoup de défauts, et il y a des problèmes, et que le propriétaire a caché ses défauts, et toi tu sais que ton frère va poser 5000 euros pour l'acheter, tu vas lui dire ou pas? Tu vas lui dire, et c'est une voiture. Comment est-ce que ton frère, s'apprête à tomber dans un danger religieux et tu dis il ne faut pas lui dire. Et tu dis pourquoi vous parlez sur les musulmans là? La religion est plus importante que notre dunya, que nos parents et nos enfants. Alors si une personne veut tromper les musulmans, on le dévoile et on met en garde contre lui. Et cela fait partie de la religion. فَإِنَّ مِنْ ضَرُورِيَةِ الْخَمْسِ حِفْظُ الدِّينِ وَهُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلِ. L'islam et les lois religieuses sont venues pour protéger cinq choses, ce qu'on appelle الدَّرُورِيَةُ الْخَمْسَ, en commençant par la protection de la religion. C'est la première chose. C'est la première chose qu'on doit protéger, c'est la religion. Donc, tu caches les défauts des musulmans, mais par moments tu es obligé de le dire. Si quelqu'un trompe les musulmans, triche, on le dévoile pour pas qu'il trompe nos frères et nos sœurs. Aussi, tu dois secourir tes frères, les musulmans, de leurs ennemis. Tu dois les défendre comme tu le peux. Et ne serait-ce qu'avec dua. Tu dois défendre leur honneur, tu dois défendre leur honneur en leur absence. Tu ne dois pas médire de tes frères, tu ne dois pas parler sur eux en leur absence. El riba dhikruka akhak ma yakra. La médisance, c'est le fait de dire sur un musulman. Il n'y a pas de médisance sur le kafir. La médisance, c'est de dire sur le musulman ce qu'il n'aimerait pas entendre en son absence. Hein? Si tu parles sur un musulman en disant des paroles qui, s'il avait été présent, il n'aurait pas aimé, c'est de la médisance, c'est un gros péché. C'est un grand péché. Allah nous a comparé cela dans le Coran à la consommation de la chair de ton frère. Tu manges sa viande. Quand tu parles sur un musulman, c'est comme si tu coupais sa viande et tu la mangeais. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait cela? Ben de la même façon que cette image est répugnante, le fait de manger la chair du musulman, parler sur son honneur, ça doit te répugner. Et celui qui ment sur les musulmans, Allah a préparé pour lui Radrat al-Khabal. C'est un endroit au profond dans l'enfer qui réunit les déchets des habitants de l'enfer. Le pu, le sang et tout ce que vous pouvez imaginer et ne pas imaginer. Ben celui qui ment sur les musulmans, en disant sur eux ce qui est faux, aura à boire de cela et habiter dans ça. Il habitera dans cela. Dans le hadith, il n'y a pas à boire. Askanahullah. Allah le fera habiter dans cet endroit. Wal'iyadu billah. Tu dois t'éloigner de an-namima, le colportage. Le fait de prendre une information dans tel groupe et venir le répéter dans tel autre groupe. Afin de semer la zizanie entre les deux groupes. Combien de fois on voit ça? Des gens viennent te voir. Un tel il fait ça, un tel il fait ça. Comme ça tu vas rentrer en conflit avec lui. Là, ne tends pas ton oreille à ces gens-là. Ne tends pas ton oreille à ceux qui veulent la fitna entre les musulmans. Ne tends pas ton oreille à ceux qui parlent sur tes frères. Mets tes deux doigts dans tes oreilles. Et n'écoute pas ceux qui veulent semer les troubles dans les rangs des musulmans. Et le niveau le plus haut dans cela, c'est le fait de parler sur ceux qui véhiculent la science, l'héritage des prophètes. En France, vu qu'il n'y a pas de savants, on va prendre l'exemple des du'at. Par moment, il peut y avoir des troubles entre eux. Ne sois pas une radio qui répète tout et qui transmet. Là, uskut waqbal ala talib al-ilm. Tais-toi, apprends ta religion. Questionne les savants sur le comportement à avoir en temps de trouble et ne véhicule pas leurs problèmes et ne va pas répéter à droite et à gauche il y a ça entre un tel et un tel et un tel là. Invoque Allah afin qu'il réforme le tout et l'ensemble et ne te réjouis pas lorsqu'il y a des conflits entre les musulmans. Ton cœur doit pleurer lorsqu'il y a des conflits entre les musulmans, lorsque ton frère est touché d'un mal, d'une épreuve. Tu dois invoquer Allah Azza wa Jalla afin qu'il dissipe l'ensemble de ses problèmes. Tu ne dois pas trahir les musulmans, ni les tromper. Et une grande maladie du cœur, al-hasad, al-hasad, tamanni zawal, hadhi ni'ma, la jalousie, une grande maladie du cœur, la jalousie, l'envie. Tu dois soigner ton cœur de cette maladie. Cette maladie, les savants ont dit, on dit d'elle qu'elle est pire que le cancer. Quant à cette maladie qui s'installe dans ton cœur, tu vas oublier les bienfaits d'Allah sur toi. Tu vas te concentrer sur les bienfaits des autres. Et tu vas espérer qu'Allah lui fasse disparaître cette ni'ma pour qu'elle vienne sur toi. Il a de l'argent, tu vas être jaloux. Tu vas vouloir qu'Allah lui enlève son argent et que cet argent-là vienne dans ta poche. Ya akhi, qui est-ce qui a donné cet argent à cette personne? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es jaloux de ton frère, c'est comme si tu n'avais pas agréé le partage d'Allah. C'est comme si tu avais prétendu qu'Allah n'est pas juste. Tabaraka wa ta'ala. A'ouzu billah min hadha al-marad. On doit chercher protection auprès d'Allah contre cette maladie du cœur. Lorsqu'Allah donne quelque chose à quelqu'un, Allah est plus sage et plus savant que toi. Et lorsqu'Allah ne t'a pas donné cette chose-là, Allah est plus savant et plus sage que toi. Peut-être que s'il t'avait enrichi, tu ne serais pas à la mosquée au jour d'aujourd'hui. Peut-être que s'il t'avait enrichi, tu aurais dépassé les limites et tu aurais voyagé dans les pays où il y a du haram. Allah sait ce qui est bon pour toi et toi tu ne sais pas. Des fois tu fais toutes les causes pour t'enrichir, tu n'arrives pas. Ben sache que la sagesse est ce qu'Allah a fait pour toi. Certaines personnes, si on leur enlève leur richesse, ils ne seraient pas bien religieusement. Et certaines personnes, à l'inverse, si on leur donne de la richesse, ils ne seraient pas bien religieusement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Je dois donc être satisfait de ce qu'Allah a donné et du partage. Donc tu ne dois pas être jaloux. Et lorsque tu vois un bien sur ton frère, dis Barakallahu fik. Tu demandes à Allah qu'il bénisse ce bienfait pour pas lui mettre le mauvais œil. Pour pas lui mettre le mauvais œil. Et lorsque tu vois un frère qui a du bien, demande à Allah qu'il lui rajoute. Pour détruire al-shaytan, pour détruire la jalousie. Lorsque tu vois un enfant et tu n'as pas d'enfant, Barak. Lorsque tu vois une belle voiture et que tu n'as pas la même, Barak. Lorsqu'un frère se marie avec une femme pieuse, barik, et ainsi de suite dans tout. Lorsqu'un frère a fini le Coran, barik, demande à Allah la bénédiction pour lui, dans tout, afin que cette maladie ne s'installe pas dans ton cœur. Et si tu trouves de cela, demande à Allah Azza wa Jal qu'il te guérisse, parce que c'est une maladie grave. Nous on a peur des cancers et des maladies graves, et on n'a pas peur des maladies du cœur. On n'a pas peur des maladies du cœur, comme la jalousie, comme l'hypocrisie, comme le fait de vouloir faire du mal aux musulmans, alors que cela est bien pire. On a Allah subhanahu wa ta'ala yutahhira qulub al-muslimin min hadhi al-awsakh. Un point très important, qui est une cause pour entrer au paradis. Rentre dans ce point-là, al-hubbu fillah. Tu dois aimer les musulmans pour Allah. Tu les aimes parce qu'ils ont adoré le Seigneur des mondes. Tu les aimes et tu aimes pour eux le bien, car ils posent leur front chaque jour. Tu aimes tous les musulmans. Ensuite, le niveau d'amour sera en fonction du niveau de leur piété. Plus la personne est pieuse, plus tu l'aimes. Si la personne est pieuse, tu l'aimes pour Allah Azza wa Jal. Si c'est une musulmane mais qu'elle a des péchés, selon ses péchés, tu pourras la détester et l'aimer en même temps. Peut s'unir sur une personne l'amour et son contraire, en fonction de sa piété. En commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, tes parents, les savants et ceux qui font le bien pour la communauté. Beaucoup parmi nous aiment pour leur frère le bien. Mais il y a un point, le point suivant, des fois on ne le trouve pas. Tu dois détester pour tes frères le mal. Ça ne suffit pas de vouloir pour eux le bien. Tu dois aussi détester que le mal ne les touche. Tu dois détester qu'ils sortent de l'islam. Tu dois détester qu'ils tombent dans l'innovation. Tu dois détester qu'ils tombent dans le péché. Et lorsque tu vois ton frère dans un mal, tu dois avoir mal au cœur. Même si tu as un problème avec lui. Parce que ça veut dire que Shaitan a fait tomber ton frère dans un mal. Et Shaitan, c'est ton ennemi et le sien. Donc, ça ne doit pas te réjouir. Tu dois être triste. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans son poème: Waj'al li qalbika munqalatayn kilahuma من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك لكنت أيضا مثله فالقلب بين أصابع الرحمن. Fais que ton cœur pleure pour ces gens-là. Il s'adresse au da'ya ilallah. Tu fais da'wa et t'appelles les musulmans à revenir au bien. Et tu les vois dans le mal et ils désobéissent. Peut-être que certaines personnes boivent de l'alcool et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Et tu viens les appeler au bien et ils ne t'ont pas écouté. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit que ton cœur il doit pleurer pour ces gens. Ton cœur doit pleurer pour ces gens-là. Pourquoi ? Parce que Shaitan a eu ton frère. Parce que ton frère se fait du mal à lui-même. Et il dit, si Allah avait voulu, tu aurais été comme lui toi aussi. Subhanallah. Rappelle-toi de cela. Quand toi tu viens à la mosquée, ton frère ne vient pas à la mosquée. Quand toi tu fais du bien et que lui fait du mal, rappelle-toi que c'est Allah qui t'a facilité. Et si Allah avait voulu, tu aurais été comme lui. Lorsque la femme est pieuse et bienfaisante envers ses parents, et qu'elle voit une femme qui manque de respect envers ses parents, qu'elle se rappelle que c'est Allah qui l'a aidée. Et c'est Allah qui l'a préféré, que si Allah avait voulu, elle aurait été pire que l'autre. Lorsque la femme sort avec son djilbab, avec le vêtement de la piété, et qu'elle refuse qu'un homme étranger ne la voie, qu'elle se rappelle que c'est un bienfait d'Allah sur elle, et que si Allah avait voulu, elle aurait été comme l'autre femme qui ne met pas le hijab. Ça, c'est le premier regard que tu dois avoir sur ton frère. T'es triste pour lui. Mais tu dois aussi avoir le deuxième regard. Tu dois détester cela. Tu le détestes pour Allah Azza wa Jal lorsqu'il tombe dans le péché parce qu'il a désobéi à Allah. C'est ça le juste milieu. Tu es triste parce qu'il tombe dans le mal, mais tu détestes parce que c'est la désobéissance envers Allah Azza wa Jal. C'est ça le juste milieu. Tu ne dois pas défendre le mal. Tu ne dois pas défendre le mal, mais tu ne dois pas enterrer ton frère. S'il est malade, emmène-le à l'hôpital. Pourquoi est-ce que tu veux l'enterrer? Pourquoi est-ce que tu veux l'enterrer? Non, aide-le à s'en sortir. Et un des compagnons a entendu des gens parler sur quelqu'un qui faisait du mal. Il leur a dit, si votre frère serait tombé dans un trou, est-ce que vous serez venu l'engueuler? Ils ont dit non. Qu'est-ce que vous a... Si tu vois ton mal, si tu vois ton frère qui tombe dans un trou, est-ce que tu commences par l'engueuler ou par l'aider? Ils ont dit, ben, on l'aide. Il leur a dit, alors il est tombé dans un trou, aidez-le. Aidez-le. Et avec At-Tanasuh Fima Bainana, avec le conseil sincère entre nous, hein, cette communauté pourra retrouver son éclat. Cette communauté pourra retrouver son éclat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait le serment d'allégeance auprès de lui. على النصح لكل مسلم كم ضل حديث جرير بن عبد الله فصح مسلم بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم j'ai prêté serment d'allégeance au messager d'Allah de conseiller tous les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accepte la vérité même si elle est amère, accepte la vérité même si elle est amère. Ce hadith est un hadith azim. Ce hadith nous montre le bien qu'on doit avoir et donner envers les musulmans, le bien qu'on doit aimer pour les musulmans, l'entraide qu'on doit avoir entre nous, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits de son livre, les droits de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ensuite le droit des gouverneurs, des savants, puis le droit de la masse, du commun des musulmans. Ce hadith, c'est donc la religion tout entière. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-din an-nasiha. La religion tout entière, c'est an-nasiha. Quand on comprend le sens de nasiha et envers qui elle doit être donnée, on comprend que effectivement nasiha c'est la religion tout entière. C'est la religion tout entière. De ce hadith on tire quoi? L'importance du conseil. L'importance du conseil. De ce hadith on voit envers qui doit être donné nasiha. De ce hadith on voit l'encouragement à se conseiller mutuellement entre nous. Et combien les compagnons étaient motivés pour apprendre leur religion. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion c'est le conseil, ils ont dit envers qui au message d'Allah? Tu dois poser des questions pour apprendre ta religion. On va s'arrêter sur ça. Wa nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minan nasihin al-aminin wa sallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وافقنا إلى العمل بما تحب وترضى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين.